La BCCI, la CIA et le renseignement international. Conclusion. Certaines questions clés concernant les rapports entre les services de renseignement américains et la BCCI restent à ce jour sans réponse et vont peut-être demeurer ainsi si les enquêteurs n'ont jamais, dans le futur, la possibilité d'examiner les archives de la BCCI et de questionner les témoins retenus par le gouvernement d'Abu Dhabi. D'autres questions pourraient trouver leur réponse dans les documents disponibles au Royaume-Uni, dont le comité a officiellement fait la requête. N'était la décision d'un juge britannique appliquant la volonté des liquidateurs de la BCCI de priver le comité de cet accès tant que la permission écrite des déposants concernés n'a pas été obtenue. Au nombre de ces déposants, on trouve des personnes telles Abu Nidal et les défunts Ben Banerjee et Cyrus Hashemi. D'autres documents du Royaume-Uni encore portant sur la BCCI ont été triés et scellés par le MI5, le renseignement britannique, et n'ont été communiqués à personne. Enfin, certaines informations pertinentes dans cette affaire au sujet de membres importants dans l'histoire de la BCCI sont en possession de la CIA et sont encore classées secrètes, ce qui les met au-delà de la portée du présent rapport. Des résumés de ces renseignements classés ont été communiqués à l'équipe sous le sceau du secret, et ce rapport ne peut s'y référer. Cependant, notons que, malgré l'existence de ces résumés, la substance des véritables informations résumées a été soustraite du regard des enquêteurs. Nous ne pouvons que faire des suppositions au sujet des éléments supplémentaires que ces informations pourraient fournir. En outre, même si on ne s'appuie que sur ses propres dires en ce qui concerne cette affaire, la CIA a fait deux erreurs majeures dans la gestion du cas BCCI. Tout d'abord, la CIA a manqué de fournir à qui de droit les renseignements cruciaux qu'elle avait rassemblés, c'est-à-dire à la Réserve fédérale et au département de la justice. Kerr a déclaré dans son témoignage qu'il n'était pas sûr que cela avait été une mauvaise décision. Une opinion qui a été immédiatement remise en question pendant son audition par le sénateur Hank Brown par ces mots. « On m'a appris qu'il faut toujours assumer ses responsabilités. Quand une décision a été prise et que c'est une mauvaise décision, on cherche qui l'a prise. Vous êtes libre de penser que cette absence de communication à la Réserve fédérale d'informations cruciales à propos d'une activité criminelle n'est pas une mauvaise décision ? Même mon opinion est différente. » Deuxièmement, même lorsque la CIA avait conscience que la BCCI était une institution corrompue et une entreprise criminelle, elle a continué d'utiliser la BCCI comme la First American, filiale américaine dont la BCCI était secrètement propriétaire, dans des opérations de la CIA. Dans le cas de l'utilisation de la First American, certains directeurs de la First American étaient même au courant. Bien que les rapports de la CIA au sujet de la BCCI aient été à plusieurs égards conséquents, et tout spécialement au niveau de la reconstitution du plus gros des activités criminelles de la BCCI, de son achat secret de la First American en 1985, et son importante participation dans du blanchiment d'argent, il existe aussi d'importantes lacunes dans ce que la CIA a déclaré savoir à propos de la BCCI. Selon Kerr, la CIA ne possédait aucune information à propos de l'implication de Jamal Adam dans l'affaire BCCI. Il était le principal contact de la CIA en matière de renseignement au Moyen-Orient arabe dans les années 1960 et 1970. Ni à propos de l'implication de son successeur Abdul Raouf Khalil ou celle du marchand d'armes Adnan Khashoggi de l'affaire Iran-Contras. Ces déclarations d'ignorance ont été réitérées au sous-comité par la CIA en avril 1992 à la suite d'un nouvel examen des archives de l'agence et assorti de la réserve suivante, que les archives de la CIA ne sont pas centralisées, et qu'il est possible que des informations existantes soient en fait irrécupérables. Ce manque d'informations professé par la CIA au sujet des activités des anciens agents de liaison et des opérateurs qui étaient aussi des actionnaires importants ou des clients de la BCCI est pour le moins perturbant. Les relations entre la CIA, Adam et Khalil étaient, selon les rapports qui sont publics, parmi les plus cruciales des relations avec l'Arabie saoudite que les États-Unis aient eues en matière de renseignement dans les 25 dernières années. De même, Khashoggi et Ghorbanifar ont joué un rôle pivot pour le gouvernement américain dans l'affaire Iran-Contras, lors des opérations qui impliquaient la participation de personnel de la CIA. Cette profession d'ignorance totale par la CIA de leur participation respective dans l'affaire BCCI ne correspond pas avec la connaissance détaillée que l'agence avait de nombreux aspects centraux des opérations, de la structure, de l'histoire et du personnel de la dite banque. Si on accepte ces assertions sans suspicion, il devient difficile de ne pas en tirer la conclusion que cette ignorance de la part de la CIA représente de graves lacunes dans les renseignements rassemblés par l'agence. Étant donné que le mandat de la CIA est de protéger les États-Unis des actions secrètes entreprises par des puissances et entités étrangères, on ne peut que trouver perturbant que les États-Unis se trouvent complètement ignorants, comme c'était le cas ici, d'après le témoignage de la CIA, des activités financières d'importance se produisant sur son territoire sous le contrôle d'agents étrangers importants tels Adam et Khalil. Les erreurs commises par la CIA dans la gestion de l'affaire BCCI ont redoublé de complexité à cause de la façon dont l'agence a réagi à cette enquête du Congrès. Les renseignements communiqués initialement par la CIA étaient faux. Ceux qui ont été communiqués plus tard étaient lacunaires. L'agence a refusé de faire un compte-rendu complet sur la BCCI pendant au moins un an après les premières demandes du comité. Ces faits nous incitent à une certaine prudence et nous empêchent de conclure que l'information disponible à ce jour est exhaustive et complète. Cette prudence s'impose tout spécialement étant donné les déclarations répétées de la CIA à propos du fait que ces archives n'ont pas été centralisées et qu'il est possible que des rapports au sujet de la BCCI ou ses actionnaires se soient perdus. Douglas Mulholland, directeur du renseignement au Trésor, et Robert Bench, à l'époque l'un des directeurs du bureau du contrôleur de la monnaie, déclarent tous deux n'avoir aucun souvenir que la CIA leur ait parlé du fait que la BCCI était secrètement propriétaire de la First American. C'est troublant. D'après les archives de la CIA, Mulholland avait à l'époque perçu que l'information était d'importance et il avait cherché à obtenir plus de renseignements. Les mémos originaux sont écrits dans un langage qui rend peu plausible l'idée qu'un lecteur ait pu manquer de noter la propriété secrète par la BCCI de la plus grosse banque de holding de Washington, ou ait pu ensuite l'oublier. C'est pourquoi les témoignages et protestations d'ignorance de Bench et Mulholland posent la question de leur sincérité.